écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Welcome to Cameroon once again. Je suis Sandra Ngoé, je travaille pour Canal de Vie, c'est la première chaîne de télévision chrétienne à Douala au Cameroun. I am Sandra Ngoé, I am working for Canal de Vie. It is the first Christian television in Douala, Cameroon. C'est vrai que dans les réseaux sociaux et dans quelques sites web, nous avons pu glaner quelques informations vous concernant. It is true that on the social media and on the website, we have been able to gather a lot of information regarding you. Également par le biais de notre promoteur, Monsieur Alain Nono, qui dans les médias a donné quelques informations vous concernant. Mais puisque vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous présenter de façon succincte? Qui êtes-vous, prophète Owo? And through our promoter, we were able to gather some extra information. But as you are here, prophet of the Lord, may you introduce yourself, who you are to our nation. Well, thank you very much. Merci beaucoup. For receiving me in such a mighty way. De me recevoir d'une façon aussi puissante. In your blessed nation of Cameroon. Dans votre nation bénie, le Cameroun. And I want to say that indeed it's a great privilege and humbling for me to come to your nation. Je veux dire en effet que c'est un énorme privilège, et je le dis en toute humilité, de venir dans votre nation. I am humbled that the Lord can send me such a wonderful nation. C'est une humilité pour moi de reconnaître que le Seigneur m'a envoyé dans une nation si merveilleuse. And I want, before I say anything, also to thank the organizers and the pastors that received me at the airport. Et avant de dire autre chose, je voudrais remercier le comité d'organisation et les pasteurs qui m'ont reçu à l'aéroport. Thank you very much for the wonderful and warm welcome. Merci beaucoup pour le merveilleux et chaleureux accueil. Well, you have asked me to introduce myself. Vous m'avez demandé de m'introduire. Well, I know that is a difficult thing for me to do. Je sais que c'est quelque chose de difficile pour moi de faire. Because I am the slave of the Lord. Parce que je suis l'esclave du Seigneur. I am the slave of the Lord. Je suis l'esclave du Seigneur. That he has sent with a spade in the hand, a spade. Qu'il a envoyé avec une pelle dans la main. And with that spade, the Lord has asked me to prepare a way for him. Et avec cette pelle, le Seigneur me demande de préparer le chemin pour lui. So if you ask me who I am, donc si vous me demandez qui je suis, I can say that I am this slave that the Lord has put to cover the potholes and to fill the holes of the road to make it straight. Je peux vous dire que je suis cet esclave que le Seigneur a envoyé pour aplanir les sentiers et pour abaisser les montagnes afin de préparer la venue du Seigneur. But before the Lord called me, mais avant que le Seigneur ne m'appelle, I was studying for my doctorate in Israel. J'ai eu à faire un doctorat à l'université d'Israël. University of Haifa in Israel. Université de Haifa en Israël. And I was looking at DNA sequencing. Et je travaillais sur les séquences ADN. And then that is where the Lord called me from. Et c'est de là que le Seigneur m'a appelé. And I was studying at the University of Haifa on Mount Carmel. J'ai étudié à l'université de Haifa au Mont Carmel. And he called me from Israel, but I attempted to run away from the Lord. Alors il m'a appelé lorsque j'étais en Israël, mais j'ai essayé de fuir loin de la face du Seigneur. And that's why I worked in Chicago at the Center for Pharmaceutical Biotechnology. Et c'est ainsi que je suis allé travailler à Chicago au Centre de Pharmacologie. That is Pharmaceutical Biotechnology. Biotechnologia Pharmaceutica. Au Centre de Biotechnologie Pharmaceutique. Yes, and I was looking at drug design, I was looking at drug discovery for cancer. Et je cherchais et j'étais responsable de recherche sur des médicaments contre le cancer. Looking at the new drug targets in the body so we can design new drugs. Et je faisais des recherches sur de nouveaux types de médicaments dans le corps contre le cancer. And I went on to New Jersey and worked at the State University of New Jersey. Alors je suis allé à l'université de New Jersey, l'université d'État du New Jersey. It is called Rutgers. Qui est appelé Rutgers. The Department of Pharmaceutics. Le département de pharmacologie. And then I also worked at the Cancer Institute of New Jersey. Et j'ai ainsi travaillé également à l'Institut du cancer de New Jersey. In the division of surgical oncology. Dans la division d'oncologie chirurgicale. And then I worked finally in aerospace medicine. Et j'ai enfin travaillé pour terminer dans la médecine aérospatiale. Trying to run away from the Lord. Toujours en essayant de fuir loin de la face du Seigneur. But when the Lord called me, mais lorsque le Seigneur m'a appelé, He spoke with me. Il a parlé avec moi. In a very tremendous way, as you have seen on the tube. D'une façon très puissante, telle que vous l'avez vu sur YouTube. And He sent me with a very clear message. Et il m'a envoyé avec un message très clair. To tell the church, pour dire à l'église, and the nations, et aux nations, to prepare for the coming of the Messiah. Se préparer pour la venue du Messie. I hope I've introduced myself a little briefly on that way. J'espère que je me suis brièvement introduit de cette façon. Yes. Joseph Désiré Baïbé, Radio Vinouvelle. Joseph Désiré Baïbé, France Radio Vinouvelle. Prophète, nous avons glané quelques informations sur vous. Prophète, we have been able to gather some information about you. Et on a appris que vous ne vous prêchez contre l'argent. And we were able to understand that you preach against the money. Vous ne prenez pas les offrandes et les dîmes. Est-ce que c'est vrai? You don't take dimes and offering. Is this true? Thank you very much. Merci beaucoup. I guess from your question, je suppose que de votre question, if I understand it well, si je la comprends bien, you are asking, vous me demandez, what is the message the Lord has sent you with? Quel est le message que le Seigneur vous a amené avec? If I listen to your question well, you are asking what is the message the Lord has sent you with? Si je comprends votre question, vous me demandez quel est le message que le Seigneur m'a envoyé de vous donner. Now, I want you to listen very carefully to this. Maintenant, je voudrais que vous écoutiez attentivement à ceci. When the Lord was sending me right from the beginning, lorsque le Seigneur m'a envoyé dès le début, He began to show me a lot of things that are not right in the church. Il a commencé à me montrer beaucoup de choses qui ne sont pas correctes dans l'église. To the extent that I wondered, I said, why is he not showing me good things? À un tel point que je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il ne me montre pas de bonnes choses? Showing me the fall. Il me montrait la chute. And many other things that are not right. Et beaucoup d'autres choses qui ne sont pas correctes. But now it's clearer. Mais maintenant, c'est beaucoup plus clair. It is obvious now. C'est beaucoup plus clair maintenant. That when anybody looks at the church. Que lorsque n'importe qui regarde à l'église. And I go globally now. I'm going globally now. Je parle maintenant d'une façon globale. And when I look at the church globally. Lorsque je regarde à l'église d'une façon globale. I know the Lord shows me the dream before I go to that country. But I'm saying just the physical look. Even you can look at the church. Je sais que le Seigneur m'a montré les rêves avant que je vienne dans ce pays, mais même si vous regardez d'une façon générale, when anybody looks at the church, the first thing you see is that there is a problem. Lorsque n'importe qui regarde à l'église, la première chose que vous voyez, c'est qu'il y a un problème. That's the first thing that hits you. Ça, c'est la première chose qui vous frappe. Why problem? Pourquoi un problème? Because it's very obvious to everybody, even the non-Christians. Parce que c'est très clair pour tout le monde et même pour les non-chrétiens. What the standard of salvation of the cross is. Quel est le message de the standard. Quel est le standard de la croix et du salut? Such that if you are a pastor, de telle façon que si vous êtes un pasteur or a Christian, ou un chrétien, and people know you are Christian, et les gens vous connaissent comme un chrétien, and then you go and fall, you get involved in immorality or whatever, et que vous êtes impliqué dans l'immoralité ou autre chose, any form of sin, toute forme de péché, the people of the world, les gens du monde, they will say, hey, look, that person has fallen. Ils diront, hey, regardez, ce pasteur a chuté. So that person, cette personne a chuté. So the standard of the salvation of the cross is obvious. Alors le standard du salut et de la croix est clair. And so when the Lord was sending me to rebuke money in the church. Alors lorsque le Seigneur m'envoyait pour repousser l'argent dans l'église, He sent me the message. Il m'a envoyé avec un message. Very much aware. Très attentif. Very conscious. Un message très sérieux. That the love of money, que l'amour de l'argent, has become the curse in the church today. Est devenu la malédiction dans l'église aujourd'hui. The love of money, l'amour de l'argent, inside the pulpit, dans le pupitre, sous le pupitre, et dans l'église, has become the root of all sin and evil in the church. Est devenu la racine de tous les péchés et maux dans l'église. And that's why. Et c'est pourquoi. You hear me many times, if you follow the messages, they're all on the tube. You hear me rebuking money. Stop the money. Stop the love of money. All the time rebuking money all over the world. Si vous regardez YouTube, vous me verrez en permanence rejeter l'argent. But you will ask yourself. Mais vous allez vous demander. Because I guess the next question you're going to ask me. Parce que je suppose que la prochaine question que vous allez me demander. Are you preaching against the Bible? Est-ce que vous prêchez contre la Bible? Because the Bible says, give your tithes and your offerings. Parce que la Bible dit, donnez vos dîmes et vos offrandes. And I will answer you by saying. Je vais vous répondre en disant. I am not preaching against the Bible. Prêche pas contre la Bible. All I'm saying, tout ce que je dis, is that the Lord has sent me, c'est que le Seigneur m'a envoyé, to say, pour dire, that the love of money in the church, que l'amour de l'argent dans l'église, has become the mountain that has blocked Jesus from entering the church. Est devenu la montagne qui empêche Jésus-Christ d'entrer dans l'église. If you look at the church today, si vous regardez à l'église aujourd'hui, asking for blessings. Qui demande les bénédictions. Bénédiction, bénédiction, bless me. Bénédiction, bénédiction, bénissez-moi. But the church ought to understand this. Mais l'église doit comprendre ceci. That if there is any blessing the Lord will give you. Que s'il y a une quelconque bénédiction que le Seigneur va vous donner. Let me change it. Laissez-moi modifier cela. If there is any blessing that will come to you. S'il y a une quelconque bénédiction qui va venir. And that blessing moves you away from the Lord. Et que cette bénédiction vous éloigne du Seigneur. Then that blessing is not from God. Yes. Alors cette bénédiction n'est pas de Dieu. All blessings are meant to draw you closer to the Lord. Toute bénédiction est destinée à vous rapprocher du Seigneur. So that is very simple for you to understand. Alors c'est très simple pour vous à comprendre. That if there is a blessing the church is talking about. Que s'il y a une bénédiction dont l'Église parle. That blessing should be this. Cette bénédiction devrait être ceci. Seek ye first the kingdom of God. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. And his righteousness. Et sa justice. And everything else will be given to you. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. And that's why you see the Lord has put me on the road. Et c'est pourquoi vous voyez que le Seigneur m'a mis sur le chemin. To rebuke money in the church. Pour rejeter l'argent dans l'église. The Bible says take your tithes. La Bible dit prenez vos dîmes. Your offering, whatever it is you take to church. Tout ce que vous apportez à l'église. But never was it intended. Never ever did the Lord intend. Mais jamais l'intention du Seigneur n'a été. That becomes the gospel from January to January. Every pastor, money, everywhere. Que cela devienne l'évangile de janvier à janvier. Tous les pasteurs, l'argent, partout. The Lord is saying. Le Seigneur dit. That this is the hour. Que ceci est l'heure. To go back to the gospel of the cross. De retourner à l'évangile de la croix. And the blood of Jesus. Et le sang de Jésus. Everything else the Lord will take care of. Tout le reste le Seigneur prendra soin. But let us first take the church back to holy salvation. Mais d'abord que nous ramenons l'église à la, au saint salut. If you look at the dressing in church of the young men. Si vous regardez l'habillement des jeunes hommes dans l'église. The dressing of the women in the church. L'habillement des femmes dans l'église. It's obvious to you. C'est très clair pour tout le monde. That there is need for reformation. Qu'il y a un besoin pour une transformation, pour une réformation. Revival. Un réveil. Renewal. Un renouvellement. Restoration. Une restauration. Repentance. Une repentance. The love of money. L'amour de l'argent. In the church. Dans l'église. Has justified sexual sin in the church. A justifié le péché sexuel dans l'église. The love of money is the reason you have the false apostles in the church. Est la raison pour laquelle il y a des faux apôtres dans l'église. The apostles that call themselves. Des apôtres qui s'appellent. The false prophets in the church. Des faux prophètes dans l'église. The prophets that have gone to the schools, apostles and prophets who go to school of theology, school of training. Des prophètes qui vont dans des écoles de prophétie et d'apostolat, dans des écoles pour apprendre l'apostolat et les prophéties. The school. L'école. And they get certificate and diploma. Et ils reçoivent des certificats et des diplômes. Saying, I have graduated as apostle of God. Qui disent, j'ai été gradué comme un apôtre du Seigneur. Saying that I have now graduated as the prophet of God. Qui disent que j'ai maintenant été gradué comme un prophète du Seigneur. I think the Bible is our reference. Je pense que la Bible est notre référence. When the Lord sends somebody to you, lorsque le Seigneur envoie quelqu'un vers you, you should use the Bible. Vous devez utiliser la Bible. To find out. Pour trouver. Is this the Lord? Est-ce que c'est le Seigneur? And every time the Lord speaks in the Bible, et chaque fois que le Seigneur parle dans la Bible, he always sent one message. Il envoie toujours un message. Holy, holy, holy. I am holy. Saint, saint, saint. Je suis saint. So be holy, for I am holy. Alors soyez saint parce que je suis saint. That is obvious now. C'est clair maintenant. That if the Lord will send you somebody, que si le Seigneur vous envoie, there will be a revival of holiness. Il y aura un réveil de sanctification. And that's why you see in Kenya now. Et c'est ce que vous voyez au Kenya. There is a tremendous revival. Il y a un terrible réveil. Where a lot of people are running to the holiness of the Lord. Où beaucoup de gens courent vers la sanctification, vers le Seigneur. Righteousness. La justice. Running to righteousness. Il court vers la justice. And so this is the reason the Lord has sent me to rebuke money in the church. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a envoyé pour rejeter l'argent dans l'église. Prophète, mais on a besoin d'argent pour organiser des campagnes d'évangélisation, des croisades. Je crois. Prophète, that we need money to run an evangelization campaign, a crusade. Yes. That is true, my daughter. C'est vrai, ma fille. Listen. Écoutez. One time, une fois, some people came to me and said, "We need money to do ministry." Quelqu'un est venu et m'a dit, nous avons besoin d'argent pour faire le ministère. Very senior ministers. Des ministres très élevés dans le Seigneur. Very, very senior. Ils étaient très élevés. And they said, "Why are you rebuking money?" Alors pourquoi réprimandez-vous l'argent? Then I told them. Alors je leur ai dit, "You are wrong." Vous avez faux. We don't need money to do ministry. Nous n'avons pas besoin de l'argent pour rendre ministère. Why? Pourquoi? Because if you are doing your own ministry, parce que si vous faites votre propre ministère, then you need money to do ministry. Alors vous avez besoin d'argent pour faire le ministère. But if you are doing the ministry of the Lord, mais si vous faites le ministère du Seigneur, all you need is the anointing of the Holy Spirit. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'onction du Saint-Esprit. The anointing of the Holy Spirit, l'onction du Saint-Esprit, is what translates into the favor of God in your ministry. Va se traduire par la faveur de Dieu dans votre ministère. So you might say, I need money to go rent a hall and have a church. Alors vous allez peut-être dire j'ai besoin d'argent pour aller louer une salle ou pour diriger une église. I see that in Kenya very many times. Je l'ai vu beaucoup de fois au Kenya. They come to me say, "Man of God, pray for me. The people are full outside. The hall is small. I need money to rent a bigger hall to accommodate people." Ils disent, homme de Dieu, priez pour moi. Les gens sont pleins à l'extérieur. L'église est trop petite. J'ai besoin que vous priez pour que je puisse avoir de l'argent pour avoir une salle plus grande pour pouvoir recevoir tout le monde. And I asked them. Et je leur ai demandé. How do you know if the Lord wants you to have money to have that hall? Comment savez-vous que le Seigneur veut que vous ayez besoin d'argent pour louer cette salle? Why don't we pray that the will of God be done? Pourquoi ne priez-vous pas que la volonté de Dieu soit faite? Because you can build a big house, but the presence of God is not there. Parce que vous pouvez construire une très grande maison, mais la présence de Dieu n'y est pas. And you can worship under a tree, and God move very mightily there. Et vous pouvez louer sous des arbres et Dieu opère de façon très puissante là-bas. And so some of them, for example. Alors certains parmi eux, par exemple. When I now pray and say, "Lord, let your will be done in this ministry." Lorsque maintenant je prie et je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ce ministère. Then they come back. Alors ils reviennent. It's a man of God. Ils disent, homme de Dieu. A member of the church just stood up and said, "Look, I have a piece of land there. Let us put a tent there. Un membre de l'église vient me voir et dit, regardez, j'ai un morceau de terre là-bas. Allons-y placer des tentes. And sometimes that is much more money than the money he was asking for. Souvent, c'est beaucoup plus d'argent que l'argent réel qu'il demandait. What am I saying here? Qu'est-ce que je dis ici? I'm saying that at this hour, à cette heure, we need to release the church to the will of the Holy Spirit. Nous devons relâcher l'église dans la volonté du Saint-Esprit. And he will do greater things with us than when we try to do our own ministry with our own capability. Il fera de grandes choses avec nous que si nous essayons de faire notre propre ministère selon nos propres capacités. Our capability is only limited. Nos capacités sont toujours limitées. Hallelujah. Amen. I'll give you an example. Je vais vous donner un exemple. When I went to Kenya, lorsque j'ai été au Kenya, they were saying, how will you do this ministry? Ils disaient, comment allez-vous faire ce ministère? You are rebuking money. How will you handle this ministry? You need money. Vous réprimandez l'argent, comment allez-vous faire ce ministère? Vous avez besoin d'argent. And then one time I went to a town. Et une fois je suis allé dans une ville. The first crusade in Kisumu. La première croisade à Kisumu. When I finished, there was a Christian newspaper that had published everything about the message the Lord sent me with. Lorsque j'ai terminé, il y avait un journal chrétien qui a publié des informations sur tout ce que le Seigneur avait dit. And somebody came there. Et quelqu'un est venu là. After I'd gone. Après que je sois parti. And he read the message. Il a lu le message. And he said, "Where is this person?" Il a dit, où est cette personne? This is a very important message of holiness. We need it. C'est un message très important sur la sanctification. Nous en avons besoin. And he looked for me. Et il m'a cherché. When he found me. Et lorsqu'il m'a trouvé. I was doing a crusade in Nakuru. Je faisais une croisade à Nakuru. And he followed me to the hotel room. Et il m'a suivi à l'hôtel. And he recorded me in a recorder from a radio station like this, a small recorder like this. Il m'a un enregistrement pour une station radio comme celui-ci. When I finished recording, quand j'ai terminé l'enregistrement, he said, "Why don't we just go straight to the radio station instead of recording small message like this?" Il a demandé pourquoi n'allons-nous pas directement à la station radio au lieu d'enregistrer un petit message comme celui-ci. And we went to the station the whole night. Et nous sommes allés à la station toute la nuit. The whole nation did not sleep. Toute la nation n'a pas toute la nation n'a pas dormi. The phones were jammed, they were crashing the computers. Les téléphones sonnaient et les ordinateurs étaient très actifs. After that, that person said, après cela, cette personne a dit, "Now I give you this radio, preach the message of God in this radio." Maintenant, je vous donne cette radio, prêchez le message du Seigneur dans cette radio. That is the radio that I use called Jesus is Lord Radio. It's global now. C'est la radio que j'utilise qui est appelée Jésus est Seigneur, radio Jésus est Seigneur. Elle est maintenant d'une audience mondiale. A full radio, well built with transmitters everywhere. Une radio complète avec des émetteurs partout. And so listen to this. Alors écoutez ceci. By my own capacity, I did not have the capacity to transmit the message in such a mighty way. Par mes propres moyens, je n'avais pas la possibilité de transmettre le message du Seigneur d'une façon si puissante. But when I submitted into the will of God. Lorsque je me suis soumis à la volonté de Dieu. Now look, I have a radio that reaches global. Maintenant regardez, j'ai une radio qui a une portée et une audience mondiale. And somebody called from Switzerland. Alors quelqu'un a appelé de Suisse. Man of God, you came to Geneva. I was in the conference. Homme de Dieu, vous êtes venu à Genève et j'étais à la conférence et j'ai. I want to come to Kenya. Je veux venir au Kenya. And broadcast French in that radio. Et je veux diffuser en français dans cette radio. And Kim, and il est venu. Is broadcasting for free. Et il le diffuse gratuitement. A Swiss person. Un Suisse. Very qualified. Très qualifié. I don't have to pay a penny. Je n'ai pas besoin de payer. Another one came from Texas. Une autre personne est venue du Texas. Is broadcasting to America from that radio. Il diffuse aux États-Unis à partir de cette radio. Let us allow God. Permettons au Seigneur, à Dieu, to do his ministry, de faire son ministère in us, en nous. Alors, prophète, j'ai une question. Can I fit? Radio Bonne Nouvelle, pardon. Radio thank you. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez reçu. Radio Bonne Nouvelle, right now you just told us that you received. Que vous avez prié par rapport à votre séjour au Cameroun. That you prayed for your stay in Cameroon. Et que vous avez reçu un certain nombre de révélations par rapport à votre voyage. Et que vous, and that you have received certain revelations around your trip. Est-ce qu'on peut voir quelques éléments de ce message que vous préparez pour l'Église du Cameroun? Can you have some elements of that message that you prepare for the Church of Cameroon? Okay, I know that the message will be dispensed, will be given out in the conference. Je sais que le message va être donné à la conférence. But I can say this. Mais je peux vous dire ceci. This is going to be a mighty message. Cela va être un message puissant. Can you allow me to enter, if you want to enter, please, because it works for the TV. Thank you. What I'm saying is this. Ce que je vous dis est ceci. But that message that you are going to hear. Ce message que vous allez entendre. These are the aspects of that message. Voici les aspects de ce message. You will hear the Lord saying. Vous allez entendre le Seigneur dire. That the hour for revival is now. Que l'heure du réveil c'est maintenant. And revival means. Et le réveil veut dire. The harvesting of souls. La moisson des âmes. Revival means. Le réveil veut dire. Millions of people running to Christ Jesus. Des millions de personnes qui vont courir à Jésus-Christ. And as you hear that saying, the hour for revival has come. Et lorsque vous allez entendre cette parole que l'heure du réveil est venue. When you listen carefully. Lorsque vous écoutez attentivement. You are going to hear a message of purification. Vous allez écouter un message de purification. You are going to hear the Lord saying, please. Vous allez entendre le Seigneur dire, s'il vous plaît. Prepare for that revival. Préparez-vous pour ce réveil. By purification. Par la purification. You'll hear the Lord saying. Vous allez entendre le Seigneur that dire. That revival for this hour. Que ce réveil pour cette heure. This late hour, last hour. Cette heure tardive, cette dernière heure. Is a holy revival. C'est un réveil saint. And so you'll hear a lot about repentance and the turning away from sin. Alors vous allez entendre beaucoup au sujet de la repentance et le détournement du péché. And you'll hear that message directed to the church. Et vous allez entendre ce message dirigé à l'église. You'll hear about the mighty historic visitation of the Lord in the church at this hour. Vous allez entendre parler de la puissante visitation du Seigneur dans l'église à cette heure. And in the process. Et dans le processus. You'll hear the centralization of the holiness of God in the church. Vous allez entendre une centralisation sur la sainteté de Dieu dans l'église. And then you hear some of the most deep, most profound revelation on the coming of the Messiah. Et vous allez entendre les révélations les plus profondes sur le retour du Messie. And this is what's going all over the globe right now. C'est ce qui se passe maintenant dans le monde. And then finally. Et finalement. In the final analysis of it all. Dans la phase finale, you will hear an instruction to the pulpit. Vous allez entendre une instruction au pupitre. From the Lord. Du Seigneur. So that is those are the elements that are in that message. Voilà les éléments qui sont dans ce message. And like I told you, if you go to the Bible. Et quand je vous ai dit, si vous retournez à la Bible. And you see how the Lord used to send his messengers. Et vous voyez comment le Seigneur envoie ses messagers. You will always hear the rebuke of sin. Vous verrez toujours le rejet du péché. When Jeremiah went, he went to rebuke sin. Lorsque Jérémie est parti, il est parti rejeter le péché, repousser le péché. Isaiah rebuked sin. Isaïe a repoussé le péché. Ezekiel rebuked sin. Ézéchiel a repoussé le péché. All of them, Amos rebuked sin. Amos a repoussé le péché. So you will hear so much about the anointing of this hour. Donc vous allez entendre beaucoup par rapport à l'onction de cette heure. The creating of the vessel for the latter glory. La création de vassaux pour la dernière heure, pour la dernière gloire. You will hear the Lord awakening the church. Vous allez voir le Seigneur réveiller l'église. That look. Regardez. At the first anointing. Look at the Pentecost. Regardez à la première onction. Regardez à la Pentecôte. And look at this hour. The anointing is supposed to be much higher than that. Et regardez à cette heure-ci, l'onction sera encore plus grande que là-bas. But look, apostasia, apostasy. Mais regardez l'apostasie. You will hear these things. Vous allez entendre ces choses. This is indeed a great awakening to the church in this land. Cela est en effet un grand réveil à l'église sur cette nation. And I can only give you one. I know there are other examples, but there's one excellent example I can give you. Je sais qu'il y a beaucoup d'exemples, mais je peux vous donner un seul exemple excellent. In Kenya now. Au Kenya maintenant. It is tremendous historic revival. Biggest in the history of the Bible. C'est le plus grand réveil que l'humanité n'ait jamais connu, le plus grand dans l'histoire de la Bible. The history of the earth. dans l'histoire de la terre. And you see everybody from universities. Et vous voyez tout le monde même des universités. They call me to go there. Ils m'appellent pour partir là-bas. For one day when they shut down everything, no lectures. Pour un jour, ils arrêtent tous les cours. I was surprised because in one university there was a meeting of the Senate. Et j'étais surpris parce que lors d'une des rencontres, il y avait la réunion du Sénat de l'université. And everything was shut down, even the Senate of the university was shut down. Et tout était fermé, y compris le Sénat de l'université. They said, we want to hear from the Lord, we want to prepare for the coming of the Messiah, university. Ils ont dit, nous voulons entendre du Seigneur, nous voulons nous préparer pour la venue du Messie, l'université. And those of you who have come to Kenya, et ceux parmi vous qui sont venus au Kenya, like my son here, comme mon fils ici, you can see that I cannot move from town to town. Vous avez vu que je ne peux pas me déplacer d'une ville à une autre. Because on the way they come in thousands, they block the road, Parce que sur the highway with buses and lorries and vehicles, they block it. Parce que sur l'autoroute, ils viennent par milliers et ils bloquent l'autoroute, ils bloquent les autoroutes. And they say, let the man of God lead us to Jesus first before he passes. Et ils disent que l'homme de Dieu nous mène d'abord à Jésus avant de passer. We baptism is too much. We have to divide regions. Those who want to be baptized from there go this way. This way go this way. It's too much. It's heavy. One time I was in water for 3 days. Le baptême est énorme. Nous n'arrivons plus à gérer les baptêmes. Nous sommes obligés de diviser le pays en régions. Vous gérez cette région. Vous gérez cette région. Une fois, j'ai dû passer 3 jours dans les eaux du baptême. Everybody wants to repent, receive Jesus and be baptized. Even the Muslims and Hindus. Tout le monde veut se repentir, être baptisé et recevoir Jésus-Christ. Même les musulmans et les hindous. And the country with the highest number of cripples that have walked in the history of the earth is Kenya. Et le pays avec le plus grand nombre de paralytiques qui ont marché dans l'histoire de l'humanité, c'est le Kenya. Historic number of blind. Un nombre historique d'aveugles. HIV is healed. Des malades du sida guéris. Until the senior doctors of government come with records. Jusqu'à ce que les médecins les plus importants du gouvernement sont venus avec des enregistrements. And kneel down before the men of God and they say, can you lead me to that Jesus you preach? Ils se sont agenouillés devant l'homme de Dieu et ont dit, pouvez-vous me conduire à ce Jésus que vous prêchez? Because my patient has become negative. Parce que mes malades sont devenus séronégatifs. And so, it's tremendous how the Lord begins to win everybody for himself. Et c'est terrible la façon dont le Seigneur gagne tout le monde à lui. Listen to this now. Écoutez à ceci maintenant. One time, when I went to prophesy the prophecy of Haiti earthquake. Une fois, je suis allé prophétiser le tremblement de terre à Haïti. I went to, that island is called Island of Hispaniola. Cette île s'appelle une île hispanique. Island, the island of Hispaniola. L'île espagnole. Yeah. And it has two countries, Dominican Republic and Haiti. Il y a deux pays sur cette île, la République Dominicaine et Haïti. I was in Puerto Plata. J'étais à Puerto Plata. Then I went to Ciudad Santiago. Et je suis allé à Santiago. Then I went to Higüe. Then je suis allé à Higüe. And the pastor that hosted me there. Et les pasteurs qui m'ont accueilli là-bas. As I was announcing the earthquake. Alors que je prophétisais sur le tremblement de terre qui devait arriver. That was November 2009, November. C'était au mois de novembre 2009. When I came to do the big mega revival for December 2009. Lorsque je suis venu faire le grand réveil en décembre 2009. I invited that pastor to Kenya. J'ai invité ce pasteur au Kenya. When he came and saw the stadium. The day before the meeting. Lorsqu'ils sont venus et ont vu le stade le jour avant la rencontre. It was full and closed. Et le stade était plein et fermé. They had been worshiping there for 3 days. Ils avaient loué jour et nuit pendant 3 jours. People are so hungry for Christ Jesus. Les gens ont tellement faim du Seigneur Jésus-Christ. That they go to the stadium. These days they go 5 days before. Now they go 5. Que maintenant ils vont au stade 5 jours avant. But at that time, 3 days before, you must be there, otherwise you have no standing space. Mais à cette époque, c'était 3 jours avant, sinon vous n'aviez pas de place. It is incredible. It's incredible to see how people can worship for 3 days non-stop, day and night, day and night. Day and night. C'est incroyable de voir comment les gens peuvent louer sans interruption pendant 3 jours et 3 nuits sans arrêt. So he wept. Alors il a pleuré. The next day, le jour suivant, when I invited him to the altar of the Lord, quand je l'ai invité sur l'autel du and Seigneur, he saw the millions of people, et il a vu les millions de personnes, and many millions outside cannot enter, et plus d'un million à l'extérieur qui ne pouvaient pas rentrer, he fell down and cried. Il s'est tombé à genoux et il s'est mis à pleurer. Then I asked him, why are you crying? Je lui ai demandé, pourquoi pleures-tu? Listen what he told me. Écoutez ce qu'il m'a dit. He said, il a dit, I am crying. Je pleure because I have realized, parce que j'ai réalisé, number one, the end time revival is a real revival. Numéro un, le réveil de la fin des temps est un véritable réveil. It's not for reading in the books. Ce n'est pas à lire dans les livres. It's a real revival of physical harvesting of souls. C'est un véritable réveil de la conquête physique des âmes. Number two, numéro deux, he said, il a dit, I have found out that a nation that does not see this will not enter. J'ai compris qu'une nation qui n'expérimente pas ceci n'entrera pas dans ce réveil. When he said so, he shocked me. Quand il a dit cela, cela m'a choqué. I was very shocked. J'étais très choqué. Then I understood the gravity of this revival. Alors j'ai compris la gravité de ce réveil. The Bible says, la Bible dit, that all nations will prepare the way of the Messiah. Que toutes les nations vont préparer la venue du Messie. And so I want to say this. Alors je veux vous dire ceci. It would be a great mistake. Ce serait une grave erreur. For the Messiah to come. Pour le Messie de venir. And there is a nation that has not seen this revival. Il y a une nation qui n'a pas vu ce réveil. It would be a shock. Ce serait un choc. Every nation must be given an opportunity to prepare as a nation. Toute nation doit être donnée l'opportunité de se préparer comme une nation. I'm talking about a nation, a deliberate movement to prepare for the coming of the Messiah. Je parle d'un mouvement délibéré dans la nation de se préparer. All churches, all pastors going to stadium and repenting sins and leading people to Christ and baptizing them and solemnizing their marriages and making the church right. Tous les pasteurs qui devraient venir dans les stades, dans les rencontres, repenting pour se repentir and leading people to the Lord, et amener des gens au Seigneur, and consecrating marriages that were not, et consacrant des mariages qui ne l'étaient pas, and baptism and restoring the baptism that was done by water like this, now baptizing people in the correct way, et restaurant les baptêmes qui étaient faits par des gouttelettes de la bonne façon, and telling people to now change their ways and go back to righteousness. Et disant aux gens de changer leur façon de faire et de retourner à la justice. Every nation, chaque nation, must be given that opportunity. Doit être donné cette opportunité. Because of what I've seen in Kenya. À cause de ce que j'ai vu au Kenya. If any nation fails to see this, si une nation échoue à voir cela, I will weep very much. Je vais beaucoup pleurer. Very much. Beaucoup. Yes, I'm Simon Bayon, Radio Bonne Nouvelle. Santa Baïbé, Radio Bonne Nouvelle. À l'entame de votre intervention. Radio Bonne Nouvelle, à radio. Voilà. À l'entame de votre intervention relative à votre identification, vous avez promis de nous donner votre nationalité. When you started talking about yourself, you didn't give us your nationality. J'ai trois questionnaires. Bon, le deuxième. Le Seigneur vous a donné un message spécifique pour le Cameroun. The Lord gave you a specific message for Cameroon. Sur quel est le point d'orgue de votre message et en quoi consiste-t-il? What is the focus point of this message? Thank you very much. Voilà, le troisième questionnaire. And the third question. Lorsque vous faites une analyse, une lecture analytique relative à la vie spirituelle en Afrique, when you analyze the spiritual reality, the spiritual life in Africa, peut-on déjà dire que l'évangile a atteint son apogée? Can you say that the gospel has reached its highest level? Comparativement à d'autres continents. You compare with other continents. Okay, now let me begin with the last one, right? Laissez-moi commencer par le dernier point. That is amazing. C'est terrible. You see, vous voyez, the people from Europe came. Les gens sont venus d'Europe. And they came to say, don't worship the mountains, don't worship the elephant, don't worship the rivers. Jesus has already gone to the cross. Ils ont dit, n'adorez pas les montagnes, n'adorez pas les rivières, n'adorez pas les éléphants. Jésus a déjà tout fait à la croix. People of Africa now begin to worship Jesus. Les gens d'Afrique ont commencé à adorer Jésus. And there was darkness here. Il y avait les ténèbres ici. But now, when the Lord sends me to Europe, maintenant, lorsque le Seigneur m'envoie en Europe, and I see them anointing homosexual bishops, et lorsque je les vois consacrer des évêques homosexuels, and I see the church, they rent it becomes a bar in 6 days a week, And on Sunday it's a church. Et lorsque je vois les églises qui louent, ce sont des bars 6 jours de la semaine et le dimanche c'est une église. They drink service, they drink alcohol, beer. Ils boivent de l'alcool, de la bière. They drink there. Ils boivent là-bas. It's a brothel, you go to find women, find men. Ce sont des bordels où vous pouvez trouver des hommes et des femmes. And they rent it out. Ils les louent. But on Sunday it's a church. Mais le dimanche c'est une église. When I see that happen in Europe. Lorsque je vois cela arriver en then Europe, I say, oh. Alors je dis, oh. There is darkness in Europe. Il y a les ténèbres en Europe. But listen to this now. Mais écoutez ceci maintenant. When I look at Africa. Lorsque je regarde à l'Afrique. Then I see greater darkness. Je vois des ténèbres encore plus profondes. In the continent of Africa. Sur le continent africain. Why? Pourquoi? Because of this. Parce à cause de l'argent. Money. L'argent. Because of money. À cause de l'argent. Now, I am sorry to disappoint you. Je suis désolé de vous décevoir. That the gospel of light. Que l'évangile de la lumière. That Christ gave us on the cross at Calvary. Que le Christ nous a donné à la croix du calvaire. Has become the gospel of darkness in the church in Africa. Est devenu l'évangile des ténèbres en Afrique. Because in Africa now. Parce que maintenant en Afrique. When somebody is coming to evangelism. Quand quelqu'un vient évangéliser from abroad, de loin, they first present financial protocol. Ils présentent d'abord le protocole financier. We need this. I need to meet in the hotel with the pastors. We need to eat lunch and breakfast. Nous devons rencontrer les pasteurs dans les hôtels. Nous devons manger, prendre un petit déjeuner. Now, when the glorious gospel of Jesus, maintenant, lorsque l'évangile glorieux de Jésus, turns into a gospel of the stomach. Se transforme en un évangile de l'estomac. Then you know that gross darkness has entered the pulpit. Alors vous savez que d'énormes ténèbres ont envahi le pulpit. Look at the dressing of women in the church. Regardez l'habillement des femmes dans l'église. This short dressing, the young men sagging trousers. Des habits courts et indécents. Here, whatever. Look at the dressing, for example. Des jeunes hommes qui portent des culottes, qui portent des boucles d'oreilles. Regardez uniquement l'habillement. Matthew chapter 5, 27-28. Matthieu chapitre 25, verset 27 à 28. He said, you've heard it said that do not commit adultery. Vous l'avez entendu dire, ne commettez pas l'adultère. But I tell you the truth. Mais je vous dis la vérité. Anybody that looks at a woman and lusts. Toute personne qui regarde à une femme et la désire. He has committed adultery with that woman. Il a commis l'adultère avec cette femme. So the new law is a higher law. Alors la nouvelle loi est une loi plus élevée. The new law of the grace, la nouvelle loi, la grâce, cannot be abused. Ne peut pas être abusée. But unfortunately, mais malheureusement, in Africa, en Afrique, it has been fully abused. Cela a été pleinement abusé. So if you wanted to know where the gospel has reached, alors si vous voulez savoir où l'évangile a été atteint, the church in Africa, l'église en Afrique, is the church the Lord is warning in Hebrews chapter 6. C'est l'église sur laquelle le Seigneur pleure, Hébreux chapitre 6. Verses 4 to 6. Versets 4 à 6. The church in Africa, l'église d'Afrique, is the church that has abused the grace of God. C'est l'église qui a abusé la grâce de Dieu. You ask for my nationality. Vous avez demandé ma nationalité. I am in Cameroon now. Je suis maintenant au Cameroun. Now I am Cameroonian. Maintenant je suis Camerounais. Amen. Hallelujah. Yeah. Amen. Because the Lord sent me to all nations. Parce que le Seigneur m'a envoyé dans toutes les nations. And I told Kenyans. Et j'ai dit aux Kenyans that they cannot Kenyanize this gospel. Qu'ils ne peuvent pas kenyaniser cet évangile. Amen. They cannot nationalize this gospel. Ils ne peuvent pas nationaliser cet évangile. They cannot personalize it. Ils ne peuvent pas le personnaliser. This is to all nations. All nations must be given a chance to hear this and prepare. C'est pour toutes les nations. Toutes les nations doivent avoir l'opportunité d'entendre ceci et de se préparer. And so, sometimes. Alors, quelquefois. You see how the Lord removed me from Kenya to Israel. And then to the United States. Vous voyez comment le Seigneur m'a enlevé du Kenya pour Israël et ensuite pour les États-Unis. But you see, when I came back to Kenya, et vous voyez quand je suis rentré au Kenya, I came to speak impartially, without partiality to them, without fear. Je suis venu parler sans partialité. He removed me so I can now come back and tell them without care. Je suis venu parler de façon impartiale et sans peur. But listen to this now. Mais écoutez ceci maintenant. It's very important we understand. C'est très important de comprendre. That right now. Que maintenant. If you allow me to stay in Cameroon, si vous me permettez de rester au Cameroun, I will preach the gospel of repentance here. Je prêcherai l'évangile de la repentance ici. And the same revival like Kenya will be here. Et le même réveil qu'au Kenya sera ici. But I know I have many nations to go through. Mais je sais que je dois aller dans beaucoup de nations. I have 3 days to be Cameroonian here. J'ai 3 jours pour être Camerounais. The second question I forgot. What was the question? Quelle était encore la deuxième question? Quel est le point d'orgue de votre message? What is the highest point of your message? Now listen to this. Maintenant écoutez ceci. Et à quoi consiste-t-il? The Lord is calling the nation to repentance. Le Seigneur appelle les nations à la repentance. But I saw you coming to me. Mais je vous ai vu venir à moi. When I was in Kenya, I saw a dream. Lorsque j'étais au Kenya, j'ai eu un rêve. The day before yesterday. Le jour d'avant-hier, and I saw you coming to me. Je vous ai vu venir à moi. Then I saw so much floods. Alors j'ai vu mon vol. Une inondation, floods. J'ai vu une inondation. Into homes. Dans les maisons. I saw yesterday this, the day before yesterday. J'ai vu avant-hier une inondation dans les maisons. I saw you coming to me. Je vous ai vu venir à moi. But as you came, mais alors que vous êtes venu, then I saw so much floods and water entered homes. J'ai vu beaucoup d'inondations et l'eau qui entrait dans les maisons. So this is a message, part of what is going to be delivered to the pastors and the ministers. Ça c'est une partie du message qui va être délivré aux pasteurs et aux ministres. This is how the Lord speaks. Voici comment le Seigneur parle. At this hour. À cette heure. Can we give you a chance to do this? Yes, une chance? Exactly. Please, this world is decaying today. Yes. Yes, we have so much thing. Ce monde est en décadence maintenant. Nous avons beaucoup de choses. And the problem today in the world and right in the church is a problem of leadership. Et le problème maintenant dans le monde, c'est un problème de leadership. And Jesus calls those he has sent. Et Jésus a appelé ceux qu'il a envoyés to go and train disciples. Pour aller former des disciples. But today we have more members. Mais aujourd'hui on a plus de membres. Church goers. On a des gens qui font grandir les églises. And from the church goers. Et de ceux qui font grandir les églises. We have leaders. Nous avons des leaders. What is God saying about this today? Qu'est-ce que le Seigneur dit à ce sujet aujourd'hui? This is what the Lord is saying. Voici ce que le Seigneur dit. There is a fall at the pulpit. Il y a une chute sur le pupitre. That is obvious to anybody. Cela est clair pour tout le monde. I have been to South Korea. J'ai été en Corée du Sud. I have seen what money has done there. J'ai vu ce que l'argent a fait là-bas. And I remember. Et je me rappelle. When I heard what they were doing in the big meeting that invited me to do from stadium to stadium. Lorsque j'ai appris ce qu'ils faisaient à mon sujet, lorsqu'ils m'ont invité dans une grande réunion de stade en stade, I canceled the meetings. J'ai annulé la rencontre. And dusted my feet. J'ai essuyé la poussière sur mes chaussures. And I left the country. Et j'ai quitté le pays. I have seen what the gospel has done in Canada, the other end. J'ai vu ce que l'évangile has done to the gospel. J'ai vu ce que l'argent a fait à l'évangile au Canada de l'autre côté. In Finland, up there, I've seen. En Finlande, là au-dessus, j'ai vu. All the way to New Zealand. Jusqu'en Nouvelle-Zélande. In Gisborne, New Zealand. À Gisborne, en Nouvelle-Zélande. Now listen to this. Maintenant, écoutez ceci. The problem in the church. Le problème dans l'église. Has come from the fall at the pulpit. Est venu de la chute au pupitre. When the Lord Jesus summoned his disciples on the Mount of Olives. Lorsque le Seigneur Jésus Christ a parlé à ses disciples au mont des Oliviers. Matthew 24. Matthieu chapitre 24. And the Bible says they came up to him privately. La Bible dit qu'ils sont venus à lui en privé. He was sitting on the rock. Il était assis sur un rocher. On the Mount of Olives. Sur le mont des Oliviers. Among the things he said. Parmi les choses qu'il a dites. Which would be the signs before he comes. Qui seraient les signes avant sa venue. He did this. Il a dit ceci. He said, be careful that no one deceives you. Faites attention que personne ne vous déçoive. And he said, many will come in my name and will deceive many. Alors il a dit, beaucoup viendront en mon nom et décevront beaucoup. He was talking to the disciples. Il parlait à ses disciples. The disciples represented the apostles. Les disciples représentaient les apôtres. They represented the shepherds. Ils représentaient les bergers. They represented the pulpit, the pastors. Ils représentaient le pupitre, les pasteurs. The disciples. Les disciples. So that means the Lord was saying. Alors cela veut dire le Seigneur disait. That in these days. Que dans ces jours. deception would come. La déception va venir. Which will be the beginning of the grand deception when we now go into the reign of the Antichrist and name it. You know this. Qui sera le commencement de la grande déception avec le règne de l'Antéchrist. Vous connaissez ces choses. The Lord has shown me the earth after the church has been taken away. I've seen it. Le Seigneur m'a montré le monde après que l'église ait été enlevée. Je l'ai vu. But this deception we have now is just the preamble, beginning of the grand deception. Cette déception que nous voyons maintenant n'est qu'un prélude, ce sont les prémices de cette grande déception. But for you to deceive the church, mais pour vous, pour décevoir l'église, you must deceive the pulpit first. Vous devez d'abord décevoir le pupitre. For you to deceive the nation, pour vous, pour décevoir les nations, you must deceive the pastors first, the leaders first. Vous devez d'abord décevoir les leaders et les pasteurs. And that's why this restoration, c'est pourquoi cette restauration, must begin at the altar, at the pulpit. Doit commencer à l'autel, sur le pupitre. And that's why we have this huge ministers meeting here. Et c'est pourquoi on a cette grande rencontre de ministres. That they may prepare the church. Afin qu'ils puissent préparer l'église. For revival. Pour le réveil. Amen. Thank you very much. I want to say one thing here. Je veux vous dire une chose ici. Before I pray. Avant que je prie. Thank you. I want to say something before I pray. Je veux dire une chose avant de prier. Journalism. Le journalisme. Journalists. Les journalistes. You have responsibility. Vous avez une responsabilité. A very big responsibility. Une très grande responsabilité. For example, par exemple, the message I have given here, le message que j'ai donné ici, you can go air it, vous pouvez le diffuser, and then you give your opinion, alors vous donnez votre opinion, and rubbish it, et vous le détruisez. Do you understand the responsibility, the power you have? Vous comprenez la responsabilité, le pouvoir que vous avez, as journalists, comme des journalistes. Someone can talk, quelqu'un peut parler, and you can cut only certain parts. Et vous pouvez seulement couper certaines parties. And then you take this and you rubbish it. Alors vous le prenez et vous le détruisez. Or you can take the message that is spoken. Alors vous, or, ou alors vous pouvez prendre le message qui a été donné. And be used of the Lord. Et il devient un outil pour le Seigneur. And raise it for Christ and bring revival. Et vous l'élevez pour Christ et cela apporte le réveil. Why? Pourquoi? Because when a pastor has 200 people in the church, parce que quand un pasteur a 200 personnes dans l'église, for you, your constituency is larger. Mm-hmm. Vous, votre audience est plus grande. So listen, precious people. Alors écoutez, peuple précieux. Before I pray for you, alors que je prie pour vous, I want to ask the following. Je veux vous demander ceci. That you separate from deception and malice of the secular media. Que vous vous séparez de la déception et de la malice des médias séculiers. Number two. Numéro 2. Separate from immorality. Séparez-vous de l'immoralité. Of the other media. Des autres médias. There is so much immorality in media. Il y a tellement d'immoralité dans les médias. And corruption also. Et beaucoup de corruption aussi. Politicians can pay you something to write something. Les politiciens peuvent vous donner de l'argent pour écrire quelque chose. Now listen to this. Maintenant écoutez ceci. This is the holy message of the Lord. Ceci est le message saint du Seigneur. If you are called to serve the Lord in media, si vous êtes appelé à servir le Seigneur dans les médias, the first question you'll ask yourself is this. La première question que vous allez vous poser est ceci. Since when? Depuis quand? Did the devil ever send anybody? Le diable a-t-il jamais envoyé quelqu'un? To tell a church which is in sin. Pour dire à une église qui est dans le péché, to repent in Christ Jesus, de se repentir de Jésus-Christ, and return to holiness, de se repentir en Jésus-Christ et de retourner à la sainteté, and walk correct with Jehovah, et marcher de façon correcte avec Jéhovah. Once the answer to that says that never ever, si la réponse à cette question est jamais, then now you can carry the message. Maintenant vous pouvez porter le message. Listen, precious people. Écoutez, peuple précieux. The future of the entire industry of journalism. Le futur de l'entièreté de l'industrie du journalisme. Secular and Christian. The future of the entire journalism. Aussi bien le journalisme chrétien que séculier. Very good. Is going to be Christian journalism. Va être le journalisme chrétien. Because everybody is now looking for solutions to life. Parce que tout le monde aujourd'hui cherche des solutions à la vie. The economy is doing this, what should we do? L'économie a ceci, qu'est-ce que nous devons faire? There is so much sida, what should we do? Il y a tellement de sida que devons so faire. So much abortion, what should we do? Tellement d'avortements. So much divorce, what should we do? Tellement de divorces que devons nous faire. Babies 13, 15 are becoming pregnant, what should we do? Des jeunes de 15 ans deviennent enceintes, que devons nous faire? The world is looking for solutions. Le monde cherche des solutions. And that solution is going to come from Jesus Christ, Jesus the Messiah. Et cette solution va venir de Jésus-Christ. And you are the carriers of the message of Christ. Vous êtes les porteurs de ce message de Christ. That's why if you will carry your message like this straight. C'est pourquoi si vous portez ce message de façon aussi droite. And purify your media. Et si vous purifiez vos médias. Maybe you are not the owner of the media house. Peut-être vous n'êtes pas les propriétaires de maisons. But you can decide. Mais vous pouvez décider. You said from today on, for me, I will not carry corruption. À partir d'aujourd'hui, en ce qui me concerne, je ne vais pas être un agent. I am going to endeavor to carry only holy messages. Holiness, righteousness, repentance, rebuking sin. Je vais seulement m'attacher à porter un message holiness, de sainteté, righteousness, de justice, rebuking sin, de rejet du péché. Once repentance, de repentance. Once you decide to do so, une fois que vous décidez de faire, wait ici, and see how the Lord will raise your ministry. Attendez et regardez comment le Seigneur va élever votre ministère. It will shock you. Cela va vous choquer. Because what? Let me tell you. Parce que laissez-moi vous dire. I have been all over the world. J'ai été à travers le monde. What I found out is this. Ce que j'ai vu, c'est ceci. The entire earth. L'entièreté de la terre. Everybody is very hungry for the truth. Tout le monde. The truth. Tout le monde a faim de la vérité, la vérité. The lies have been spoken for too long. Les mensonges ont été dits pendant trop longtemps. And people are tired. Et les gens sont fatigués. The example I give you is Europe. L'exemple que j'ai donné, c'est l'Europe. When I was going to Finland, quand je suis allé en Finlande, and Sweden, et en Suède, I did not think they are going to like this message because this is tough. Je n'ai pas pensé qu'ils allaient aimer ce message parce que c'est un message dur. It is going to rebuke their dressing. Je devais réprimander leur habillement. It's going to rebuke the things of the world. Je devais réprimander les choses du monde. It's going to rebuke homosexuality. Je devais réprimander l'homosexualité. I thought they're not going to like it. J'ai pensé qu'ils n'allaient pas l'aimer. But what I saw shocked me. Mais ce que j'ai vu m'a choqué. Everybody is hungry right now. They are asking me, give us a date. We want you to come to Finland this year. Tout le monde you a faim maintenant. Everybody, the TV station is open like this. Les stations de télévision s'ouvrent comme and ça. And we are broadcasting globally from there. Et nous diffusons mondialement. Same thing I found in New Zealand. J'ai vu la même chose en Nouvelle-Zélande. Same thing I found in Latin America. J'ai vu la même chose en Amérique latine. Let me tell you one thing. Laissez-moi vous dire une chose. If you want, before I pray, if you want the Lord to raise your docket, si vous voulez que le Seigneur puisse élever votre position, decide today. Décidez aujourd'hui. From today on, my program is always going to be about the holiness of Christ. Décidez qu'à partir d'aujourd'hui, mes programmes seront uniquement au sujet de la sainteté de Christ. If there is any pastor who is preaching this, you know, and you just know that this is lies. Si vous avez un pasteur qui prêche ceci ou cela et vous savez que ceci c'est un mensonge, then I think it's time for you to stand with Christ. Il est temps pour vous de vous tenir en Christ. And you call him and say, excuse me, can you change your message? Et vous l'appelez et vous lui dites, excusez-moi. It's not true what you're saying. Est-ce que vous pouvez changer votre message parce que ce que we don't want to throw you away. Nous voulons pas vous rejeter. But we are just asking that you change your message. Mais nous vous demandons juste de changer votre message. Because you cannot tell somebody sow a seed and get your miracle. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un envoyer une semence, semer, envoyer une semence et récolter votre miracle. Because we have so many students who have just graduated from university, they have no job, they are still looking for job, they have no fare. Now, if they have no money, how will God bless them? Alors, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent juste de sortir de l'université, ils n'ont pas de travail. Alors, s'ils n'ont pas de travail et que... They need money for bus fare to go look for job. Alors, ils ont besoin d'argent pour chercher du travail. So, does it mean God will not bless them? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne va pas les bénir? There are so many widows who are so poor, they have nothing. Il y a tellement de veuves qui sont si pauvres et n'ont rien. In Kenya, I have a huge widows ministry. In this ministry, there is a huge, very huge number of widows. Very, very big number. Alors, widows. Kenya, alors, au Kenya, il y a un ministère d'une énorme quantité. And they love Jesus. Et elles aiment Jésus. Very, very much. So much. Elles aiment tellement Jésus. Their heart is for Christ. Leur cœur est pour Christ. Now, they may not have money for it to give you as a seed. Maintenant, elles n'ont pas d'argent pour vous donner comme une semence. Does that mean God does not love them? Will not bless them? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne les aime pas, ne va pas les bénir? Where is the place of that widow in the Bible that Jesus saw coming with one penny and put? Où est la place de cette veuve dans l'église, dans la Bible, où la veuve est venue one avec penny. Une pièce d'un penny et a mis dans la boîte. And Jesus said, she has given more than everybody else. Et Jésus a dit, elle a donné plus que tout le monde. Listen, precious people. Écoutez, peuple précieux. What I'm saying is this. Ce que je dis, c'est ceci. As media, you can now make judgment. Comme des médias, vous pouvez faire un changement. And you can decide as media. Et vous pouvez décider comme des médias. That I think we need revival. In Cameroon. Que je crois que nous avons besoin du réveil au Cameroun. And revival of the Lord. Et le réveil du Seigneur. Can only come from the holiness of the Lord. Il vient seulement de la sainteté du Seigneur. Because the revival is brought by the Holy Spirit. Parce que le réveil est amené par le Saint-Esprit. And Holy Spirit is holy. He is holy. Et le Saint-Esprit est saint. And so if you carry holy messages. Alors si vous portez un message saint. You will see people loving your program. Vous verrez les gens aimer vos programmes. Loving your radio station. Ils vont aimer vos stations radio. We were shocked the radio that I was given. Nous étions choqués la radio qui m'a été donnée. Jesus is Lord Radio. Jesus is Lord Radio. Now it has the highest listenership in the land of Kenya. C'est un le plus grand nombre d'auditeurs dans la nation kenyane. And in that radio, we have no commercials of big names. Dans cette radio, dans cette radio, nous n'avons pas des commerciaux avec des grands noms, des annonceurs avec des grands noms. We don't have that. Nous n'avons pas cela. And yet, the listenership is the highest in the land. Et quand même, le taux d'audience est le plus grand sur tout le pays. Why? Pourquoi? Because people are hungry for the truth. Parce que les gens ont faim de la vérité. The same thing with your articles in the newspapers. La même chose avec vos your TV programs. Vos programmes TV. Your radio programs. Vos programmes radio. If you will choose to carry righteousness, si vous choisissez de porter la justice, the Lord will deliberately increase you. Le Seigneur va délibérément vous élever. To tell the others that look, that is the right way. Pour dire aux autres, regardez, voilà le chemin. Look this ministry in Kenya. Regardez ce ministère au Kenya. We cannot do a meeting. When we do a meeting. On ne peut pas faire une réunion. We don't know how to handle people. On ne sait pas comment gérer les gens. We have the government has to come. Le gouvernement doit venir. Because there's a the shut down, the town is shut down. Parce que toute la ville est fermée. That is a testimony. C'est un témoignage. The Lord is using that to tell other churches and other pastors. Le Seigneur utilise cela pour dire aux autres églises. Look, righteousness is the right way. Regardez, la justice est le chemin correct. If you want more sheep in your church, si vous voulez beaucoup plus de brebis dans votre preach righteousness. Prêchez la justice. Preach holiness. Prêchez la sainteté. Look how they are hungry for it. Regardez comme ils ont faim pour cela. That is the testimony I'm giving to you today. Le témoignage que je vous donne. I cannot give you a testimony I don't know. Je ne peux pas vous donner un témoignage que je ne connais pas. I can only give you testimony that says. Je peux seulement vous donner un témoignage qui dit. Right now the nations are hungry for holiness. Que maintenant les nations ont soif de la sainteté. And that's why I want to pray for you now. C'est ce que je vais prier pour vous maintenant. As the media. Comme des médias. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, I decree here today. Seigneur, je déclare ici aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. With my sharp prophetic tongue before you, my Father. Avec ma langue prophétique devant toi, mon Père. That you are raising forth an army from these media personalities. Que tu élèves une armée de ces médias que nous avons ici. The army of righteousness. Une armée de justice. People that will have a zeal for holiness. Des gens qui auront un zèle pour la sainteté. People that will love Jesus Christ the Messiah. Des gens qui vont aimer Jésus-Christ le Messie. More than the world. Plus que le monde. And in the process, et dans le processus, you will bless them tremendously. Vous allez les bénir d'une façon incroyable. That they will never lack. Qu'ils ne manqueront jamais. That it may be a living testimony. Que ce sera un témoignage vivant. That whoever stands with righteousness at this hour. Que quiconque se tient dans la justice à cette heure. Will never be put to shame. Ne sera jamais mis dans la honte. But will receive the flooding blessings of the Lord. Mais va recevoir des inondations de bénédictions. Lord, you have defined your bride of the church at this hour. Seigneur, tu as défini le standard de l'église à cette heure. The bride of the Lord. L'épouse du Seigneur. In the book of Revelation chapter 6. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 6. You have said she is the oil and wine church. Tu dis que ton église est une église pure et blanche. Oil and wine. C'est l'huile et le vin. And that church is the church overflowing with revival. Et cette église est une église qui cherche le réveil. And holiness. Et la sanctification. And provision of God. Et la provision de Dieu. Legitimate provision. Une provision légitime. Without corruption. Sans corruption. And that is what I've spoken into the lives of these journalists here. Et c'est ce que j'ai prononcée dans la vie de ces journalistes ici présents. That in your holy work, que dans ton travail saint, the Lord will now give legitimate provision. Que le Seigneur va donner une provision légitime. And flood you. Et va vous inonder. To establish the testimony of this hour. Pour établir le témoignage de cette heure. I have spoken these words. J'ai prononcé cette parole. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. So be it. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Amen. Separate from sexual sin. Séparez-vous du péché sexuel. The worst sin in the church is sexual sin. Le pire péché dans l'église est le péché sexuel. The first sin you want to close the door on is sexual sin. Le premier péché sur lequel tu veux fermer la porte, c'est le péché sexuel. Separate completely from sexual sin. Séparez-vous complètement du péché sexuel. And then you will walk with God. Alors vous allez marcher avec Dieu. I have blessed you. Je vous ai béni. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Thank you. Shalom.